Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, merci de nous écouter, mille merci. Et aujourd'hui, on va ouvrir l'émission avec un peu de Jean-Sébastien Bach. Évidemment, l'un des compositeurs essentiels, peut-être le père de la musique contemporaine, d'ailleurs de la musique tout court. Il était né à Eisenach en 1685. Grande famille de musiciens. On était musiciens de père en fils chez les Bach, comme d'autres étaient menuisiers de père en fils. Et il a été organiste, claveciniste, violoniste. Il a tout d'abord été en poste à Weimar de 1708 à 1717. Là, il a achevé beaucoup de cantates et de pièces d'orgue. Et puis son départ volontaire de Weimar à la cour, de la cour en 1717-1723 pour Köthen, où là, il va être au service d'un prince qui aimait beaucoup la musique, qui était d'ailleurs lui-même violiste. Il jouait de la viole de gambe. Et le prince en question faisait partie de son propre orchestre. Et c'est à cette occasion, lors de ce séjour quand même de plusieurs années, que Bach va composer l'essentiel de son œuvre instrumentale, notamment les concertos brandebourgeois et les suites pour orchestre. On va écouter un peu de la troisième suite. Alors là, c'est l'un des sommets de la musique de Bach, parce que c'est des sommets. Toute la musique de Bach est un sommet en soi, mais là, vraiment, c'est une pièce qui est particulièrement célèbre, particulièrement appréciée. C'est l'aria de la troisième suite que nous allons écouter par l'ensemble Sonnerie avec au violon Monica Huguette. Thank you. les grands classiques qu'on aime toujours à réécouter. L'aria de la troisième suite BWV 1068 de Jean-Sébastien Bach. Et on va continuer avec Brahms, qui lui connaissait bien son Bach. Brahms, né en 1833, mort en 1897, musicien précoce, lui aussi était né dans une famille musicale, sans doute moins, comment dire, d'un niveau moindre que celle de Bach, évidemment. Mais quand même, il a joué du piano dans les brasseries, les tavernes de Hambourg, avant d'entreprendre une formation plus sérieuse. Et à 20 ans, il va faire une rencontre décisive, puisqu'il va rencontrer Robert Schumann et sa femme Clara, qui était l'une des grandes pianistes de l'époque. Une amitié va se nouer entre eux, qui va durer jusqu'à la mort de Robert Schumann, puis de Clara beaucoup plus tard. D'ailleurs, non, Clara est morte après Johannes Brahms, il faut quand même le préciser. Et donc Schumann va influencer quand même Brahms, et durant plusieurs années, il va occuper le poste de directeur musical de la ville de Detmold, commençant par multiplier les concerts comme pianiste et comme chef d'orchestre, et puis ensuite il se fixe à Vienne à partir de 1862, et là, il va vraiment s'adonner avec ferveur à la composition. Alors Brahms rencontrera Wagner en 1864, mais enfin les deux n'ont pas grand-chose à se raconter parce qu'ils avaient des visions musicales totalement opposées. Et on va écouter l'une des œuvres de musique de chambre qui figure parmi les premières de Johannes Brahms, son premier trio, magnifique. Je vous en propose le début avec au violon Isaac Stern, au violoncelle Léonard Rose et au piano Eugène Istomin. petit extrait du trio numéro 1 de Johannes Brahms, le début, avec au violon Isaac Stern, au piano Eugène Istomin et au violoncelle, c'était Léonard Rose. Quel trio, hein ! Et on continue avec un hommage à José Van Damme qui vient de disparaître. Alors, si vous avez écouté l'émission d'hier, j'ai retracé un peu le parcours de José Van Damme, né en 1940 à Ixelles en Belgique, qui avait commencé avec, par des études de piano. Et puis son professeur de piano a remarqué sa voix et la mue n'y a rien changé. Il a gardé une belle voix, une voix de basse en plus, baryton. Il a étudié au conservatoire de Bruxelles. Et puis ensuite, eh bien, il s'est fait connaître petit à petit. Et il y a un rôle qu'il aimait particulièrement incarner, c'était Leporello, le valet de Don Giovanni. Et d'ailleurs, il a incarné ce rôle dans le film de Joseph Losey, qui était sorti sur les écrans en 1979, le Don Giovanni de Losey. C'était un peu la mode à l'époque d'ailleurs de faire des films avec des opéras. On a eu Carmen d'ailleurs à cette époque-là, qui date à peu près de la même période, et ça permettait évidemment à un large public de découvrir l'art lyrique. On va retrouver José Van Damme avec un chef d'orchestre qui a été vraiment quelqu'un qui a beaucoup cru en lui, c'est Herbert von Karajan, et qui a enregistré plusieurs disques avec José Van Damme, notamment son enregistrement du Requiem de Mozart en 1975. Je vous propose le Tuba Mirum où l'on entend la voix de José Van Damme, mais également celle d'Agnès Tomovacinto, Anna Tomovacinto, Agnès Balsa et Werner Krenn, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, donc direction Herbert von Karajan. Thank you. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fadjet les samedis et dimanches. De 11h à midi, c'était un extrait du Requiem de Mozart, le Tuba Mirum, en hommage à José Van Damme qui vient de disparaître. L'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Herbert von Karajan. Un peu de musique baroque maintenant avec Pietro Antonio Locatelli. Né en 1695, mort en 1764, Locatelli fut l'un des plus impressionnants virtuoses du violon de la première moitié du XVIIIe siècle et il est considéré aujourd'hui comme une sorte de Paganini baroque. Et c'est vrai qu'il était un violoniste extraordinaire. Il a composé essentiellement pour son instrument, mais il semblerait qu'il ait été aussi flûtiste. Alors il a laissé quelques pages pour la flûte. Quantz, qui était flûtiste lui-même, attaché au roi de Prusse Frédéric II, eh bien, disait que Locatelli avait composé parmi les plus belles sonates pour flûte. C'était un élève de Corelli, son style s'inspire un peu de son maître, et puis ensuite il va évoluer vers un style assez proche, on peut le dire, de Vivaldi. Voici un concerto pour violon donc de Locatelli, concerto pour violon en La, opus 3, numéro 12, avec Isabelle Faust en soliste, l'ensemble Il Giardino Armonico est dirigé par Giovanni Antonini. Thank you. Aïe, aïe, aïe, quelle virtuosité, hein, des cascades de notes, des crescendo, crescendo, enfin c'est assez étonnant. C'était l'un des concertos pour violon de Pietro Locatelli, concerto en la, avec Isabelle Faust au violon et l'ensemble Il Giardino Armonico que dirigeait l'excellent Giovanni Antonini. On continue avec un peu de César Franck. César Franck, il était né en 1822-1890. Ah, il n'a pas eu une enfance facile, hein, parce que le père de Franck était quelqu'un de violent. Un père violent qui voulait faire de ses fils, d'ailleurs, parce que le frère de César était également un bon musicien. Il voulait en faire des Mozart, quelque part, pour gagner de l'argent. Alors, il voulait les présenter un peu partout pour que, évidemment, l'argent suive. Mais bon, voilà. Donc, César avait étudié à l'école de musique de Liège, sa ville natale. Et puis ensuite, il va s'installer en France. Il va devenir français, d'ailleurs, puisqu'il était né belge. Et il va donc occuper à Paris divers postes d'organiste, et notamment à l'église Sainte-Clotilde, où il va effectuer une bonne partie de sa carrière de compositeur et d'improvisateur sur un instrument construit par Cavaillé-Coll. Et puis ensuite, il va transmettre bien son héritage d'organiste de compositeur au Conservatoire de Paris. Il a d'ailleurs eu toute une génération comme élève, Viernet, Pierné, Chausson, Duparc, Dindy, ce que l'on appelait justement la bande à Franck. On va écouter une pièce pour piano de César Franck qui à l'origine était pour orgue. C'est Prélude, Fugue et Variation que nous écoutons jouer pour le prélude par Alexis Weissenberg. Thank you. un extrait de Prélude, fugue et variation de César Franck, joué au piano par Alexis Weissenberg. Et on continue avec un peu d'opéra, Le cœur des courtisans de Rigoletto de Verdi. Ben, je pense que vous allez reconnaître, hein, c'est un cœur très célèbre. C'est malin, on approche de l'heure du repas et ça me donne envie de manger du jambon. C'était le chœur des courtisans tiré du Rigoletto de Giuseppe Verdi avec les chœurs et orchestres de la Scala de Milan, direction Riccardo Muti. Bah oui, parce que ça a longtemps été la musique, le support musical d'une publicité pour une marque de jambon. Allez, on reste à l'opéra avec l'Acmé de Léo Delibes, l'un des principaux opéras français de la seconde moitié du 19e siècle. L'action se passe en Inde. C'est l'un des opéras les plus régulièrement montés à travers le monde, un chef-d'œuvre absolu. Et c'est vrai que l'Acmé bah, s'inscrit dans une veine un peu exotique, orientaliste, comme il y en avait beaucoup qui existaient à cette époque-là, donc dans la seconde moitié du 19e siècle. On va écouter l'un des airs les plus célèbres, peut-être l'air le plus célèbre d'ailleurs de l'Acmé, le duo des fleurs, chanté par Sabine de Vielle, Marianne Crébassa. L'ensemble Les Siècles est dirigé par François-Xavier Roth. Chant des oiseaux tapageurs. Magnifique, hein. Avouez qu'on vous gâte hein, dans cette émission discothèque classique, puisqu'on vous propose quand même des œuvres incontournables, des chefs-d'œuvre avec les plus grands interprètes. Hein. C'était le duo des fleurs de l'Acmé, de Léo Delibes, avec les voix de Sabine Devielle, Marianne Crébassa, l'ensemble Les Siècles était dirigé par François-Xavier Roth. Alors tout à l'heure, on a écouté le violon de Locatelli, formidable compositeur baroque italien, spécialiste du violon, qui a d'ailleurs laissé un traité, l'Arte del Violino, donc l'art du violon, écrit en 1733, où figurent 24 caprices. Et une bonne soixantaine d'années plus tard, Niccolo Paganini va découvrir ce recueil alors qu'il était à Gênes. Et là, il va s'inspirer de ce recueil pour écrire lui-même ses caprices. Il va en écrire 24. Voici le cinquième, joué par Mayuko Kamio. Cinquième caprice de Paganini, joué par Mayuko Kamio, ben, on se rend compte quand même, si vous avez dans l'oreille encore, ce qu'on a écouté tout à l'heure de Locatelli, justement de ce que Paganini doit à Locatelli. Magnifique interprétation. Un peu de Chopin maintenant, alors lui, son domaine, c'est le piano, évidemment, son piano était son confident. Frédéric Chopin, 1810-1849, c'est l'image même du compositeur romantique. Il était né près de Varsovie, à Zela-Zovavola, en 1810, et il était le fils d'un Français qui avait travaillé à Nancy à la cour du roi Stanislas et qui avait ensuite suivi le roi en Pologne. Et là, il s'était marié avec une Polonaise. Donc Chopin était très tôt considéré comme l'un des grands pianistes de l'Europe. Il a voyagé un peu et puis ensuite il s'est fixé à Paris définitivement à partir de 1831. C'est là qu'il va rencontrer Georges Sand, évidemment. Ça, c'est l'image... un mythe carrément, Georges Sand et Frédéric Chopin, l'image du romantisme. Il était ami d'ailleurs avec tous les grands artistes de l'époque présents dans la capitale, que ce soit en musique, en littérature, en peinture. Et donc il s'est livré au piano, il a vraiment cherché aussi à en améliorer, à en perfectionner la technique par une écriture savante, extrêmement difficile. On va écouter l'une des principales œuvres de Chopin. Bon, elles sont toutes, finalement, il y a intéressante, il y a peu de rejets chez Chopin. On va écouter la célèbre deuxième sonate, non pas la marche funèbre qui a été parfois orchestrée plus ou moins bien d'ailleurs, mais le premier mouvement joué par un spécialiste, je trouve, de ce compositeur. Évidemment, tous les pianistes ont Chopin à leur répertoire et ont laissé des gravures absolument incroyables autour de ce compositeur. mais j'aime particulièrement cette version de la deuxième sonate signée signée Alexis Weissenberg. Thank you. Moi, j'aurais presque envie d'applaudir dans le studio. Hein. Interprétation incandescente de la deuxième sonate de Frédéric Chopin par Alexis Weissenberg. Et on continue avec un peu de Handel, un air de Handel, Tornami a vagheggiar. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ça veut dire Fais-moi langoureux. C'est le titre en français. Est très explicite. On va écouter cet air chanté par Emma Kirkby, soprano, magnifique soprano anglaise qui a laissé beaucoup d'enregistrements dans les années 80-90. Elle a un peu disparu depuis, c'est bien dommage, mais c'était vraiment une très grande voix de cette époque-là dans le registre baroque. Elle est entourée par The Academy of Ancient Music que dirige Christopher Hogood depuis son clavecin. Thank you. Tornami à Vagheggiar de Handel, air de concert chanté par Emma Kirkby. Et l'Academy of Ancient Music était dirigée par Christopher Hogwood, un air que Handel inclura dans l'un de ses opéras. Et on va terminer avec Protest de Morton Gould. Ça ne vous dit rien, et pourtant je suis sûr que vous allez reconnaître. Évidemment, pour les plus jeunes, ça ne leur dit certainement rien, mais cette musique, évidemment, les téléspectateurs des dossiers de l'écran dans les années 70 la connaissaient bien. C'était la musique du générique. Protest de Morton Gould, 1913-1996, plutôt considéré d'ailleurs comme un jazzman. Et c'était l'interprétation du Eastman Rochester Orchestra, dirigé par Howard Hanson. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce week-end. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine de 11h à midi, le samedi et le dimanche, s'il vous plaît, sur Radio Fadjet pour Discothèque Classique, de nouvelles émissions. Bonne semaine à toutes et à tous, et tout d'abord bon dimanche, et à très très bientôt, j'espère.